l'ahram, on y est. Faut pas le nier. Bendia, moi je fais ça pour les miens. Et comme dirait le S, pourtant je suis dans le classe S. Je roule à sens inverse de la direction de la Hesse. Classique comme des Stan Smith, génération Starsky. Faut que leur star system, je préfère rester à la cité. Beaucoup ont connu le parking, déféré au parquet. Le grand frère s'est mis dans le deal, son petit frère dans la taille day. Ouais. Tu fais encore la choix, cousine, t'as la jamadona. Ça va trop loin, je vois la foi nous abandonner. Je vois les jaloux des abonnés. Je les vois regarder ma monnaie. Sarbi, sarbi, mahri, mahri. Sarbi, sarbi, mon romarin, elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif, sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn, elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn, elle est blanche comme Marilyn. Mon romarin. On réussira pas, juste en essayant. Mon gauche drip, je regarde l'océan. Franc et vif, on prend le bif. La coque est blanche comme Marilyn. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une break, man? On sait, je rêve d'être riche, moi et ma ferme. Je tirais, je rends les miens fermes. Un coup de feu tout le quartier qui t'arnaque. Les yeux noirs qu'on va sonner mes nuits. Ma chérie, je t'aime à mort, mais je suis un brave. Alors faut de love, alors j'ai la bancam pour reprendre la city. Mon rang, 19, le litre. Mon fric sans la souplite. J'ai plus mis de minuit. J'ai vécu le début sans dos. J'ai 100 000 couteaux dans le dos. Sarbi, sarbi, Marilyn, Marilyn. Sarbi, sarbi, mon roi Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif. Sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn.